De retour à Futur Sable sur CKRL au 89.1 et pour ce dernier fragment d'émission, nous vous proposons une envolée aux îles Tuvalu. Ça se trouve aux antipodes, un petit peu au nord de l'Australie. En fait, c'est Valérie Perret qui nous y emmène. Elle est étudiante en journalisme international à l'Université Laval et elle a préparé un reportage sur les conséquences du changement climatique pour les habitants de ces îles, qu'on appelle d'ailleurs les Tuvaliens. Donc ces îles qui préfigurent un petit peu le paradis sur Terre sont en train de devenir un cauchemar pour les Tuvaliens. Sur ces îles, c'est l'eau douce qui devient une denrée rare. On écoute le reportage. Fonte des glaciers, disparition de certaines espèces, inondations, sécheresses, les conséquences du réchauffement climatique sont dramatiques pour notre planète. L'exemple est frappant dans l'archipel de Tuvalu, situé à 3000 km de la Nouvelle-Zélande. Cette micronation de 100 000 habitants, étalée sur 9 îles, dont le point culminant n'est situé qu'à 5 mètres d'altitude, est particulièrement vulnérable au changement climatique et à la hausse du niveau moyen des océans. Les pluies, principales sources d'approvisionnement en eau potable de l'archipel, sont très en dessous du niveau habituel en raison du phénomène climatique de la Niña. Tuvalu est alors confronté depuis quelques mois déjà à une pénurie d'eau potable liée à la sécheresse. Fanny Eros, chargée de mission pour l'association Alofa Tuvalu, fait un point sur la situation. Il y a une augmentation de la température et des périodes de sécheresse qui est nette. Depuis les années 2000, le climat se détraque, quoi. La pénurie d'eau potable est liée au fait que à Tuvalu, le seul moyen d'avoir de l'eau douce, c'est de l'eau de pluie. Et donc il y a un problème d'eau douce et d'eau douce disponible parce qu'il ne pleut pas tout simplement. Donc les récupérateurs d'eau de pluie commencent à être à sec. Pas une goutte d'eau en 7 mois. Les habitants de Tuvalu vivent désormais sous le régime du rationnement de l'eau. À Funafuti, la capitale de l'archipel, les citernes de récupération d'eau de pluie ne sont pas assez nombreuses pour maintenir les réserves d'eau à un niveau suffisant. Les habitants ont alors droit à 2 seaux d'eau par jour, tandis que les ministres vont se laver dans les lagons pour économiser l'eau. La situation est en effet critique. Le 6 octobre dernier, il ne restait que 60 litres d'eau potable sur l'île voisine. Il faut bien la produire, cette eau douce. Il n'y a plus de lentilles d'eau douce sur la plupart des îles parce que les infiltrations d'eau salée les ont abîmées. Et puis il y a eu un peu de saccage en sous-sol pendant la guerre de 42. La vie quotidienne continue, mais ils font extrêmement attention évidemment à l'eau qu'ils vont utiliser. C'est-à-dire qu'ils intègrent dans leur mode de vie le rationnement, quoi. Pour les Tuvaliens, il faut désormais fuir ou lutter. La Nouvelle-Zélande, l'Australie et les États-Unis ont lancé des opérations pour venir au secours de plusieurs îles polynésiennes. L'aide internationale en route pour acheminer des équipements de dessalement d'eau de mer et des bouteilles d'eau est un premier pas pour lutter contre l'exil programmé des habitants de Tuvalu. L'aide internationale s'est mise en route et il y a des dessalinisateurs qui arrivent. Ça commence à bouger pour que l'idée étant qu'à terme, chaque île ait ses unités de dessalinisation pour ne pas dépendre que de la pluie. Mais cette aide internationale pourrait à terme ne plus être suffisante. Les phénomènes climatiques exceptionnels qui se succèdent ont eu des conséquences dramatiques sur le petit archipel. Sous l'effet du réchauffement climatique grandissant et la montée des eaux qui en découle, l'archipel de Tuvalu risque d'être le premier pays à être rayé de la carte, selon Fanny Eros. Le problème particulier qui touche Tuvalu, qui est un archipel corallien, c'est que l'eau de mer s'infiltre à travers le sol. Donc ça a des conséquences sur les cultures qui sont salées, donc ils peuvent pas cultiver correctement. Et ça abîme considérablement le sol. Et puis à un moment donné, comme ça submerge les îles tous les mois maintenant, à un moment donné, ça risque de plus être habitable. La question de la disparition des îles se pose très sérieusement, et avec elle, la question de la disparition de la nation, puisque la législation internationale ne reconnaît pas une nation qui n'a pas de terre. Le compte à rebours a déjà commencé pour ce petit archipel, tout comme les îles Maldives, elles aussi en proie à la montée des eaux. Les natifs se préparent peu à peu à l'idée de quitter leurs îles, et avec ça, leur histoire, leur culture et tout ce qui fait d'eux une nation. Voilà, donc c'est un reportage très intéressant de Valérie Perret. Donc pour les Tuvaliens, les changements climatiques, ce n'est vraiment pas une hypothèse de travail. C'est une réalité qu'ils vivent au quotidien, une réalité qui devient insupportable, au point de chercher refuge ailleurs, de perdre donc sa nation, presque son identité. Donc faudra-t-il que nous soyons nous aussi aux prises avec des difficultés de même ampleur dans nos pays à nous, pour réagir et changer nos comportements? Voilà, l'avenir nous le dira. Donc merci beaucoup Valérie Perret, donc je répète, qui est étudiante en journalisme international à l'Université Laval. Et maintenant, on fait une pause musicale rapidement sur CKRL au 89.1.